est le nouvel neuf du monde avec Jules-Édouard Moustique depuis le CNL International Center. Bonsoir, l'information c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Restons chez nos voisins français avec la campagne Un préservatif, un franc. On le voit là-bas, le préservatif a le même diamètre qu'une pièce de 1 franc. C'est bien, c'est très bien, c'est pas cher. Mais il faut vraiment espérer que ça ne passe pas à 50 centimes. Sinon, ça va vraiment commencer à devenir difficile à mettre. Enfin, pour en finir avec ce journal, on passe aux nouvelles neuves du dedans. Merci, André R. Il comprendra.